Hey Lola, qu'est-ce que tu fais là? T'es défoncé ou quoi? Allez, monte! Monte! Dépêche-toi! Sur les boulevards Notre-Dame, elle marche seule, cherchant l'éclat. C'est tout la seule, ses rêves brisés, son cœur en peine, la poudre blanche, la seule reine. Lola cherche le flash, l'éclair d'un instant, mais est-ce qu'elle trouve un seul néant? Dans ses veines, le poisson s'étend, elle ne retrouvera jamais à ce moment. Les rues désertes sont son seul abri, les sombres danses, elles se perdent ici. Les souvenirs d'un temps révolu laissent place à un monde inconnu. Lola cherche le flash, l'éclair d'un instant. Mais est-ce qu'elle trouve un seul néant? Dans ses veines, le poisson s'étend. Elle ne retrouvera jamais à ce moment. Sans foyer, elle erre sans fin. Chez n'importe qui, pour un petit matin. L'escorting devient son quotidien, perdant ses filles, son travail, son chemin. Lola cherche le flash, l'éclair d'un instant, mais qu'elle trouve un seul néant. Dans ses veines, le poison s'étend, elle ne trouvera jamais ce moment. L'arme coule, son âme se noie. Dans ce combat, elle perd la foi. Chaque dose, une promesse brisée. Chaque nuit, une nuit volée. Lola cherche le flash, l'éclair d'un instant, mais ce qu'elle trouve, c'est le néant. Dans ses veines, le poison s'étend, elle ne trouvera jamais ce moment. Miroir reflète son désespoir. Un visage pâle, un regard noir. Elle se perd dans un océan de mensonges et de tourments. Lola cherche le flash, l'éclair d'un instant, mais ce qu'elle trouve, c'est le néant. Dans ses veines, le poison s'étend, et elle ne retrouvera jamais à ce putain de moment.